Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 8. Chante la grive, la pluie arrive. Mesdames et messieurs, bonjour. La canicule encore et toujours dans la région aujourd'hui. L'air reste très sec et les ça ne s'arrêtera jamais. On a 36 degrés à Vesoul cet après-midi, 35 à Pontarlier et même 37 annonce le saunier. Mais la situation change enfin à partir de demain. L'anticyclone se déplace, qui fait revenir la pluie dans toute la région. Merci, voilà, mon Dieu, merci. La perturbation croisera l'air chaud. Localement à de violents orages demain, dans l'après-midi et dans la soirée. Oh, un grand coup de frais donc sur les températures demain. 28 degrés à Vesoul, 27 à Poligny et 26 à Lons-le-Saunier. Je vous retrouve ce soir après les informations. J'arrive! Un instant! Oh, mon père! Bonjour, madame Châtel. Entrez! Vous avez vu? Demain, c'est fini. C'est fini? Demain, il pleut. Vous ne saviez pas. Comment ça? Vous saviez, vous? Depuis hier, oui. Tenez. Vous entendez? Quoi donc? Vous n'entendez pas la pluie qui arrive? Bon. Mon père, vous me faites peur. C'est une grive. Chante la grive, la pluie arrive. Ah. Oh. La météo, c'est tout de même plus commode. Dites-moi, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Vous savez qu'on a enterré avant-hier les deux personnes qu'on a retrouvées dans le lac? Eh bien, je suis embêté. C'est la première fois que des gens sont enterrés dans ma paroisse sans que je sache rien d'eux. Il paraît que ce sont les époux Varod. Ça vous dit quelque chose? Je vais à la pêche aux informations, par conscience professionnelle, on va dire. Vous les connaissiez, les Varod? Pas plus que n'importe qui. Vous leur parliez? Le moins possible. Pourquoi? Je ne voulais pas me mélanger avec ce genre de personnes. C'est tout ce que je peux dire. C'était quoi leur genre? Dépravés. Dépravés? Voilà, dépravés, mon père. Des mœurs un peu plus légères. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Jeanne Varod, elle commettait des péchés, les pires. Elle pratiquait des avortements. Jeanne Varod? Oui. Toutes celles qu'il lui demandait. Et puis elle a séduit tous les hommes du village. Il paraît qu'elle était très belle. La beauté du diable, vous voulez dire. Oh. Et puis son mari, il n'était pas en reste. C'est-à-dire? Un petit prétentieux, voilà. Et puis si vous voulez vraiment savoir, eh bien je vais vous le dire. Quoi? Il a fait un enfant à Rita Majoubi. La femme d'Ahmed? Elle-même. Elle était enceinte quand elle s'est suicidée? Non. Il a demandé à sa femme de sortir les aiguilles à tricoter. Et pas pour se faire un pull. Vous en êtes sûr de ça? Tout le monde l'a su à l'époque. Ahmed aussi? J'arrive! Mais bien sûr qu'il l'a su. C'était une semaine avant que Rita se suicide. Rita et Abel Varod, ils les auraient tués, Ahmed. Bonjour, Christine. Qu'est-ce que tu fais là? Comme tu sembles heureuse de me voir. Je ne te dérange que quelques secondes. J'ai trouvé une lettre sur le banc en face. Tu me pardonneras, l'enveloppe était ouverte. J'ai pas pu m'empêcher de la lire. Elle est très instructive. Donne-la-moi. C'est pour ça que je suis ici. Bonjour, mon père. Monsieur Broyard. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout va bien. Non. Mon père, vous pouvez me laisser seul? Je peux vous aider. Je voudrais être seule, s'il vous plaît. Bon, vous savez où me trouver. météo est une science très pratique, je le conçois. Mais on aurait tort de sous-estimer ce que nous enseignent les oiseaux. Chante la grive, la pluie arrive. Vole le corbeau, il ne va pas faire beau. Je m'appelle André Rose. Nous sommes le 24 août 2019. Je suis le curé d'un village qui n'attend que la pluie. Monsieur Broyat! Monsieur Broyat! Oui, monsieur Rose. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Madame Châtel est complètement retournée. Elle a reçu une lettre. Cela lui est porté. Quoi comme lettre? Une lettre de 1974 qui arrive aujourd'hui. Vous conviendrez que c'est étrange. De 1974? Oui, signé Corbeau. Le contenu n'est pas bienveillant, mais ça a le mérite de rappeler des souvenirs. J'ai trouvé trois autres lettres, au même endroit. Pour qui? Une pour moi, que je me passerai de vous lire. Celle-ci est pour le grand Ribaudier. Elle est encore dans son enveloppe. Je n'ai pas eu l'indiscrétion de la décacheter. Et une autre, pour le gros Ribaudier, une carte postale. Lisez, c'est divertissant. Une carte de Bali? Lui qui n'est jamais sorti du Jura. Cher Pascal, merveilleux séjour à Bali. Nous découvrons la plongée. Quel bonheur de respirer sous l'eau. Amitié, Jen et Abel. Croyez-vous que ça lui fera plaisir? Je sais pas. Je vous laisse à vos pensées. Il n'est jamais trop tard pour apprendre un métier, et j'avoue que celui de facteur est plus reposant que d'autres que j'ai pratiqués. C'est vous qui avez écrit ça? Moi? Je suis tellement apprécié ici, ce serait dommage de risquer ma réputation bêtement. Je ne sais plus qui croire. Et moi, au contraire, je viens de tout comprendre. 45 ans de mensonges qui partent en fumée. Vous entendez? Quoi? La grive. La pluie arrive. Passez une merveilleuse journée, mon père. Il faut qu'on vous fasse écouter un truc. On a reçu un message de la journaliste de l'Est Républicain. Écoutez ça, monsieur Rose. Bonjour Bérénice, bonjour Titouan. Je viens de trouver dans les archives un article intéressant. En fait, les Varog n'auraient pas été les seuls absents du déménagement en 1974. Il y aurait une troisième personne, un certain Ferdinand Broyard, qui aurait disparu au même moment. Voilà. J'en sais pas plus, mais j'ai pensé que ça vous intéresserait. Broyard est disparu pile au moment où Lévarod meurt. Oui, je sais. Comment vous savez? Ça, c'est le carnet du père Fissou que j'ai remplacé l'année dernière. Je l'ai trouvé quand je suis arrivé. Il venait de mourir. Regardez. Là. Le 27 novembre 1974, il écrit ça. Trois jours après déménagement, suis inquiet. Il manque aussi Ferdinand Broyard. C'est plus de la bizarrerie, là. C'est une pièce à conviction. Il s'est enfui après les avoir tués. Je crois qu'il faut plutôt se demander ce qu'il vient faire ici aujourd'hui. Tout le monde le déteste. Il n'a pas de famille, plus de maison. Et il débarque juste au moment où on retrouve deux corps dans le lac. Qu'est-ce qu'il fait ici, cet homme? Il est venu terminer le boulot. Quel boulot? Merceau est venu me voir ce matin. Il cherchait mon grand-père, il disait qu'il s'inquiétait pour lui. Et il a fini par cracher le morceau. Mon grand-père a reçu une lettre. Pareil qu'il y a 45 ans. C'est même daté de 74 et c'est signé Corbeau. Ton grand-père aussi? Il y en a d'autres. Madame Châtel en a reçu une. Les Ribaudier aussi. Ils en reçoivent tous. Vous trouvez pas ça bizarre? Broyard, il réapparaît après je sais pas combien de temps, et trois jours après, il y a le corbeau qui revient. C'est lui le corbeau, ça a toujours été lui. C'est lui qui a trouvé les lettres pour Madame Châtel et pour les Ribaudier. Bah, il s'est pas foulé. C'est lui qui a reçu la première lettre en 73. Non. Si, il me l'a montré. Oui, mais il disparaît juste quand les Varottes se font buter. Ensuite, il se ramène 45 ans après, pile quand le corbeau revient. Et en plus, c'est lui qui tombe sur les lettres. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est le seul à être venu sur leur tombe. Et le seul qui est venu voir en bas. C'était pas Jane Varrod, le corbeau? C'était Broyard. Et il a tout fait pour l'accuser, elle. C'est pas possible. Il en était amoureux. Quoi? Il me l'a dit. Il était amoureux de Jane Varrod. Eh ben, peut-être qu'elle, elle était pas amoureuse de lui et qu'il a voulu se venger. Mais pourquoi il les aurait tués après? Pour se blanchir. Tout le monde pensait que c'était Jane. Donc s'il l'a tué et qu'il arrêtait d'écrire, personne ne pouvait le soupçonner, lui. Tout? C'est Broyard? Et un mec assez tordu pour faire accuser la fille dont il est amoureux, il est capable de tout. On le tient coupable. C'est chez les Ribaudier. À suivre.